Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'enlèvement et l'exécution par les Brigades Rouges d'Aldo Moro, figure historique de la démocratie chrétienne. Un traumatisme majeur en Italie, l'une des pages les plus noires de l'histoire de ce pays. Imaginez un instant, les comparaisons valent ce qu'elles valent, mais imaginez un instant qu'un homme politique de premier plan en France, quelqu'un que vous voyez si souvent à la télé, soit pris en otage 55 jours et qu'on le retrouve dans le coffre d'une voiture assassiné en plein cœur de Paris. Eh bien voilà ce qu'ont vécu les Italiens à Rome en 1978. C'est l'époque dite des années de plomb, ces années de violence qui se sont étalées entre les attentats contre les banques à Milan et à Rome en décembre 1969, jusqu'à celui de la gare de Bologne en août 80, une décennie durant laquelle 12 690 attentats ont provoqué la mort de 362 personnes. C'est au cœur de cette tragédie où les kidnappings, les balles dans les jambes, les assassinats ont accompagné le bruit des bombes de l'extrême gauche et de l'extrême droite italienne que survient l'enlèvement d'Aldo Moro, un drame qui constitue l'acmé de ces années de plomb. Pour cette émission, nous avons fait le choix de rester au cœur de l'événement, à l'intérieur même de la prison d'Aldo Moro, grâce au souvenir de Mario Moretti des Brigades Rouges, chef de l'opération qui racontait son histoire dans de longs entretiens publiés en français par l'édition Amsterdam, mais surtout grâce aux mots du prisonnier Aldo Moro lui-même, qui tout au long de sa captivité a écrit à sa femme, ses proches et au gouvernement. Toutes ces lettres que vous entendrez ont été transmises à leur destinataire durant sa captivité. Elles sont à la fois le reflet de l'homme politique qui, malgré son statut d'otage, tente de plaider sa cause et de l'intimité d'un homme qui, au fil des jours, voit sa fin arriver. Notre invité aujourd'hui, le réalisateur Mosco Levi Bucco, auteur d'un documentaire sur le sujet intitulé « Ils étaient les Brigades Rouges ». Affaires sensibles et l'émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Comme à chaque fois ou presque qu'il se trouve à Rome, Aldo Moro, grande star de la politique italienne, se rend à l'église Santa Chiara, le temps d'une messe, assis au premier rang, alors que l'attendent ses agents de sécurité. Il y a quelques mois, par hasard, un homme des Brigades Rouges l'a surpris sortant de cette église. Il est revenu le lendemain, puis, jour après jour, il a relevé les habitudes du président de la démocratie chrétienne. À partir du moment où la décision de l'enlever est prise, la préparation prend 5 mois. 5 mois à noter les horaires du leader politique, ses différents itinéraires et ses quelques variantes. Sur ses trajets quotidiens, un seul endroit est propice au guet-apens, le carrefour entre Via Fani et Via Stressa. Là, il y a un stop où l'escorte s'arrête à chaque fois. Un bar fermé depuis longtemps, un mur protégeant les fenêtres de l'immeuble et un trottoir souvent désert. Seul un fleuriste pouvait gêner l'opération. Alors, la veille de l'enlèvement, on a crevé les pneus de son camion qui lui sert de magasin pour que lui et ses œillets ne se retrouvent pas dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Le 16 mars 1978, tout est prêt. Ce jour-là, à la Chambre des députés, Aldo Moro doit assister à la présentation du programme du nouveau gouvernement dirigé par Giulio Andreotti et auquel, pour la première fois, les communistes apportent leur soutien. C'est le fameux compromis historique dont Aldo Moro est le principal architecte. Après avoir été ministre de divers gouvernements, président du Conseil à 2 reprises, en charge des affaires étrangères pendant de longues années, il a œuvré au rapprochement entre son parti démocrate chrétien et les communistes. Depuis des années, les fractures au sein de l'Italie se faisaient de plus en plus pesantes entre les élus et le peuple, entre les travailleurs du Nord et ceux du Sud, entre la gauche des partis et celle de la révolution armée. À chaque élection, la démocratie chrétienne perdait un peu de son hégémonie, tandis que par les urnes, les communistes augmentaient leur influence. Mais un plafond de verre semblait stopper tout rêve de majorité. Dans la rue, à l'inverse, les communistes perdaient la main, doublés sur leur gauche par de nouveaux mouvements inscrivant la lutte sociale dans la continuité de l'action des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces mouvements, une organisation prend vite la tête de cordée, les Brigades Rouges. Nés au lendemain des mouvements de grève de l'année 69, les Brigades Rouges forgent leur notoriété dans des actions spectaculaires dont peuvent devenir la cible tout collaborateur ou représentant du système en place, responsable des usines, personnel politique, magistrat. Et c'est ainsi que, mois après mois, ils enlèvent, menacent, humilient, mutilent, puis tuent de plus en plus. En ce printemps 1978, beaucoup ont été pris dans les filets de la police, dont certains fondateurs. L'un des hommes à leur tête, toujours libre, s'appelle Mario Moretti. Et c'est lui, ce matin du 16 mars, qui, à bord de sa voiture, observe le placement des autos de l'escorte d'Aldo Moro en bas de chez lui, signal d'un départ prochain. Ensuite, Moretti prévient ses camarades en charge de l'embuscade. Quatre hommes habillés en uniforme de la compagnie Alitalia et une jeune fille, un bouquet de fleurs à la main, ils se placent tous à l'endroit prévu. On l'oublie souvent, cette jeune fille. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans l'opération. Postée quelques mètres avant la Via Fani, c'est elle qui doit prévenir de l'arrivée d'Aldo Moro et ainsi permettre à Moretti de placer son véhicule devant son convoi sans éveiller les soupçons. À l'approche de celui-ci, comme prévu, la jeune fille monte sur sa Vespa, puis s'en va. Moretti, lui, se positionne. Arrivé au stop, il met sa voiture en travers, comme prévu également. Il est autour de 9h, la fusillade commence. Le conducteur de la première voiture, puis les carabiniers tombent un par un. Le chauffeur, Aldo Moro, tente de s'enfuir, mais sa Fiat 130 est coincée, prise au piège. En quelques secondes, les 5 hommes de l'escorte sont neutralisés. Aldo Moro, lui, est sain et sauf, proscrit à l'arrière de sa voiture. On s'empare de lui et on le jette dans une Fiat 132. Aldo Moro ne dit pas un mot, abasourdi par les balles et les morts autour de lui. Il est transféré une première fois de la Fiat dans une vieille fourgonnette où on le place dans une caisse en bois, longue d'1 m 20 sur 80 cm de large. Le dernier transfert se déroule dans un parking souterrain de la camionnette à un vieux break qui l'amène à l'appartement du 8 via Montalcini. Dehors, l'alerte est donnée. Vers 10h, les Brigades Rouges revendiquent l'enlèvement par téléphone à l'agence ANSA. L'enlèvement fait la une, bien sûr. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita. Le président Aldo Moro a été enlevé ce matin à Rome. Ses gardes du corps ont été abattus par un commando. Via Stresa, sono le 10:10. Via Stresa, il est 9h50. Nous venons d'arriver sur le lieu de l'assaut. Ecco la macchina. Voici la voiture avec les cadavres. Les cadavres des gardes du corps du président Moro. Il y a 4 morts et un blessé. Quant au président Moro, il a été enlevé. Voyez le sang au sol et un pistolet automatique. 4 cadavres via Stresa à 10h du matin. Aldo Moro découvre alors ce que ses geôliers appellent la prison du peuple. C'est un long couloir, très étroit. Il y a juste un lit, une table, minuscule, un toilette chimique, un conduit d'aération. Ce box se situe dans le salon d'un appartement bourgeois, derrière une cloison installée pour l'occasion, cachée par une bibliothèque qui longe le mur du sol au plafond. Pour atteindre le box, une partie de la bibliothèque est amovible. Quand Aldo Moro entre dans sa prison couloir, étouffante, il ne voit que le drapeau rouge avec l'étoile à 5 branches accrochée au-dessus du lit. Il leur dit alors « Ah, c'est vous, je m'en doutais ». Puis, il s'est assis. La première fois que les Italiens ont découvert ce symbole, le drapeau rouge, c'était en février 1973, à la suite de l'enlèvement éclair d'un syndicaliste néo-fasciste, Bruno Labbate. L'enlèvement éclair, c'est l'une des actions privilégiées par l'organisation. En frapper un pour en éduquer 100, telle est la philosophie. Quant aux actes, il s'agit, à travers eux, de montrer la puissance de l'organisation, enlever, menacer, humilier pour installer la peur dans l'autre camp. Peur, terreur, terrorisme, les Brigades Rouges ont très vite annoncé la couleur, si je puis dire. Quelque temps après son enlèvement, le 11 février 1973, Bruno Labbate est retrouvé tondu, enchaîné à la grille de l'usine Fiat Mirafiori de Turin, un carton autour du cou avec l'étoile rouge à 5 branches. Ce jour-là, cette étoile devient le symbole d'un espoir pour la classe ouvrière et de la peur pour les gens au pouvoir. Aldo Moro, lui, malgré la situation, ne semble pas inquiet. Il accepte et ne délivre à ses agresseurs aucun signe de détresse. Il scrute le box étroit, repère le micro au mur, puis répond aux premières questions. Pour l'heure, il s'agit seulement de s'assurer de sa bonne santé. Les brigadistes vérifient qu'il n'est pas blessé. A-t-il une maladie? Un traitement particulier à prendre? Non, rien. Que mange-t-il? Peu de viande, peu de fromage. Il aime plutôt les légumes. Bien, on lui préparera des potages. La première nuit, Prospero Gallinari, qui sera son geôlier tout au long de l'opération, remarque qu'il transpire beaucoup, qu'il a du mal à respirer. Le brigadiste s'inquiète. Alors, exceptionnellement, il lui ouvre la porte et lui demande de rester sur son lit, en silence, ce qu'il fait. Aldo Moro a 61 ans, son geôlier moitié moins. Alors, tout au long de sa captivité, Prospero Gallinari prendra soin de lui. Le 18 mars 1978, le quotidien Il Messaggero, ainsi que la télévision italienne, reçoivent une première photo d'otage. Sur le cliché, Aldo Moro est assis sous le drapeau avec l'étoile rouge. Il porte une chemise blanche un peu déboutonnée qui laisse deviner un maillot de corps. Dehors, au même moment, des milliers de policiers participent à sa recherche. Une dizaine d'interpellations et une arrestation ont déjà eu lieu. En fin d'après-midi, partis politiques et syndicats ont appelé à rejoindre le cortège funéraire des 5 policiers tués pendant l'enlèvement. L'Italie pleure, manifeste, le pouvoir fait front. Mais le soir de ces funérailles, ce sont les mots du premier communiqué des brigadistes accompagnant la photo qui font l'ouverture des journaux. Communiqué numéro 1. La capture d'Aldo Moro et le procès auquel il sera soumis par un tribunal du peuple aura pour objet d'exprimer un mot d'ordre pour le mouvement de résistance offensive qui est en train de se développer, pour le rendre plus fort, plus mûr, plus incisif, et organisé. Nous entendons lancer une initiative armée, vaste et unitaire, pour le développement ultérieur de la guerre de classe, pour le communisme. Nous voulons attaquer l'état impérialiste des multinationales, désarticuler les structures, les projets de la bourgeoisie impérialiste, en attaquant le personnel politico-économico-militaire qui en est l'expression. Unifier le mouvement révolutionnaire en construisant le parti communiste combattant. Pour chaque communiqué, la même méthode. Moretti écrit le brouillon de la logorée et de son groupe. Il le rédige souvent dans le train qui l'amène au lieu où il retrouve l'exécutif, c'est-à-dire le rassemblement des personnes représentant les différentes colonnes du mouvement des Brigades Rouges. La rencontre peut parfois s'étaler sur plusieurs jours. On parle de la situation, des prochaines étapes, on débat et on planche sur les communiqués. À chaque fois, l'exécutif lit le brouillon de Moretti, l'amende, puis lance les copies. 4 sont imprimés, puis envoyés à Rome, Turin, Milan et Gênes. Le premier communiqué n'a rien d'exceptionnel, il n'indique même pas de revendication, de possibles négociations, non. Juste un procès par un tribunal du peuple. Un procès dont seuls les kidnappeurs seront les juges et les avocats. Les interrogatoires se passent toujours de la même façon. Avant d'entrer dans la pièce, Mario Moretti enfile une sorte de passe-montagne en coton, puis rejoint le prisonnier. Aldo Moro ne voit jamais les visages de ses geôliers. Les discussions sont bien entendu politiques. Et Moro n'esquive aucune des questions, mais son jugement est déjà connu. Il est coupable, qu'importe ses mots. L'interrogatoire et le procès sont symboliques. L'enlèvement politique doit désorganiser l'État et constituer un levier de négociation. Moretti pense que les partis se diviseront sur l'attitude à adopter. Il se trompe. Le Parti communiste et le Parti démocrate chrétien ont passé des années opposés l'un à l'autre. Oui, mais l'enlèvement de Moro ne fait qu'accélérer leur union et effacer les luttes passées. Le 23 mars, le Parti communiste italien affirme dans la presse une position de fermeté. Aucune tractation de l'État avec les Brigades Rouges. Face à cette coalition, Moretti accepte de faire entrer dans la boucle Aldo Moro lui-même en l'autorisant à écrire. N'ayant pas de table pour poser sa feuille, pas de chaise pour s'asseoir, il s'allonge sur son lit, le dos collé au mur, puis il écrit. Ses premières lettres sont envoyées le 29 mars, soit 13 jours après l'enlèvement. Elles sont transmises à sa femme, à son avocat et à Francesco Cossiga, le ministre de l'Intérieur. Je comprends qu'un événement de ce genre, lorsqu'il survient, puisse être lourd à gérer, mais il faut également envisager lucidement le pire qui peut advenir. Ce sont là les péripéties d'une guérilla qu'il faut évaluer la tête froide, jugulant l'émotion pour porter la réflexion sur les faits politiques. Adopter une attitude hostile serait une vision de l'esprit et une erreur. Que le Très-Haut vous illumine pour le mieux, vous évitant de vous enliser dans un épisode douloureux qui pourrait avoir de multiples conséquences. Le style est encore un peu pompeux, officiel, mais Aldo Moro indique dès cette première lettre que le pire peut advenir. Il espère que cette correspondance restera secrète. Or, Moretti a envoyé une copie à la presse. Aurait-il lu ? Sans doute pas. Car à la suite de ce courrier, la direction de la démocratie chrétienne annonce son refus de toute tractation. Et pourtant, dans le passé, des négociations ou même des accords entre le pouvoir et les Brigades Rouges avaient déjà eu lieu. 4 ans plus tôt, le 18 avril 1974, les brigadistes avaient enlevé le magistrat Mario Sorsi. Une photo du kidnappé sous le drapeau avait été envoyée, puis des communiqués. Un procès s'était tenu, des négociations s'étaient ouvertes. Les brigadistes avaient demandé la libération d'activistes du groupe 22 octobre. Les autorités avaient donné leur accord. L'otage Sorsi a été libéré, mais finalement Francesco Cocco, le substitut du procureur de Gênes, refusa de libérer les membres du groupe 22 octobre comme convenu. Et bien 2 ans plus tard, un mois après l'ouverture du procès de certains fondateurs des Brigades Rouges, Francesco Cocco était assassiné. Et le 31 mars 1978, 15 jours après l'enlèvement, une nouvelle lettre d'Aldo Moro est envoyée à Benigno Zaccagnini, secrétaire national de la démocratie chrétienne. Après lui avoir rappelé que c'est lui qui l'a convaincu de prendre la présidence de la DC, que c'est lui qui moralement est à sa place, il lui demande de prendre ses responsabilités. Le présent, c'est que je suis soumis à un difficile procès politique dans lequel je suis déjà condamné. Je suis un otage que votre brusque décision de clore sans appel toute forme de discussion relative à un échange de prisonniers rend inutile et encombrant. Le temps court vite et malheureusement fait défaut. À chaque instant, il pourrait être trop tard. Que la DC prenne la décision. Si l'issue devait être différente, c'est que vous l'aurez voulu, et je le dis sans animosité, mon sang retombera sur le parti et sur les personnes. Puis commencera un autre cycle, plus terrible et pareillement sans issue. Que le Très-Haut vous illumine, et vite, il le faut. Quelques jours plus tard, Giulio Andreotti réaffirme lors d'un débat parlementaire la ligne de fermeté de son parti. Aldo Moro est abandonné. Seul avec ses feuilles de papier, il espère encore changer le cours de l'histoire. De l'autre côté de la cloison, derrière la porte de cette prison du peuple, Moretti, lui, sait-il déjà que c'est à lui que reviendra la tâche d'exécuter l'otage. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va. Vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. La verità si offre nuda a noi e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, gioia. immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. 20 avril 1978. Communiqué numéro 7 des Brigades Rouges. La mise en liberté du prisonnier Aldo Moro ne peut être prise en considération qu'en rapport avec la libération des prisonniers communistes. La démocratie chrétienne et son gouvernement ont 48 heures à partir du 20 avril à 15 heures pour dire, de manière nette et définitive, si elle entend le faire, étant clair qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Cinq jours plus tôt, les Brigades Rouges avaient déjà envoyé un communiqué, le numéro 6, qui avait indiqué que le procès d'Aldo Moro était clos et qu'il était condamné à mort. Pourtant, les Brigades Rouges se refusent pour l'heure à imaginer l'exécution de la peine et ils autorisent toujours Aldo Moro à défendre sa peau auprès de ses anciens compagnons de pouvoir. Ce 20 avril 1978, en plus du communiqué des Brigades Rouges, deux autres lettres d'Aldo Moro, l'une pour le pape, l'autre pour Zaccagnini, sont transmises à sa femme. Il ne semble plus avoir confiance qu'en elle et à Dieu peut-être. Durant sa captivité, la foi en effet semble n'avoir jamais quitté Aldo Moro. Il demande même à son geôlier, Prospero Gallinari, de lui apporter une Bible, puis exprime son souhait d'entendre la messe. Alors avec sa femme, Prospero prend l'habitude d'aller le dimanche à l'église. Il enregistre la cérémonie, la réécoute pour vérifier qu'aucun message caché ne lui est destiné, puis il remet la cassette. Aldo Moro l'écoute souvent dans la solitude et la crainte, quand celles-ci se font trop fortes. Tout au long de ses lettres, le Très-Haut, comme il l'appelle, semble être son seul soutien. Alors naturellement, c'est vers son premier représentant sur Terre, le pape, qu'il se tourne. En ces heures si difficiles, je me permets d'en appeler avec un grand respect et une profonde espérance à votre sainteté. Intercédez auprès des autorités gouvernementales italiennes compétentes afin que soit recherchée une solution équitable au problème de l'échange des prisonniers politiques. Que je sois rendu à ma famille. Votre dévot, Aldo Moro. Il reste alors 48 heures au gouvernement, à la famille, au pape pour trouver une solution. Le jour même, Madame Moro publie un vibrant appel à la démocratie chrétienne pour sauver la vie de son mari. Elle dit « Assumez une attitude réaliste en se déclarant prêt à vérifier ce que sont concrètement les conditions pour la libération du président. » Dans le même temps, les dirigeants démocrates chrétiens s'enferment au deuxième étage de la place du Jésus, autorisant simplement une pause pour aller à la messe. L'enjeu n'est plus désormais de faire le premier pas, mais de répondre à un ultimatum et d'imaginer la libération de prisonniers politiques. La discussion dure jusqu'au petit matin. À la sortie, personne ne prend la parole. Ce 20 avril, le président du Conseil des ministres, Giulio Andreotti, reçoit également un à un les secrétaires généraux des quatre partis de la majorité. Si le secrétaire national du Parti socialiste est favorable à une initiative, Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste, reste lui sur sa position de fermeté. L'État ne peut déroger aux principes et aux lois. Où on sauve l'otage, dit-il, où on sauve la République. Paul VI, le pape, lui, décide de répondre à la demande d'Aldo Moro. Le samedi matin du 22 avril, moins de 5 heures avant l'expiration de l'ultimatum, il écrit aux brigades. Hommes des Brigades Rouges, restituez Aldo Moro à la liberté, à sa famille, à la vie. Je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous joindre. C'est pour cela que je vous écris publiquement pour conjurer la menace de mort proférée contre lui et je vous supplie à genoux, libérez Aldo Moro, simplement, sans condition. Sans condition, derrière ces mots du pape, la plume peut-être d'Andreotti, président du Conseil des ministres. Sans condition, une formule qui en fait sonne comme une condamnation à mort car jamais les Brigades Rouges ne l'accepteront, évidemment. Les heures passent, l'ultimatum est dépassé. au sein de la famille Moro et dans les couloirs du pouvoir et de la presse, c'est l'attente et c'est l'angoisse. Au 40e jour de sa détention, le 24 avril 1978, un 8e communiqué des Brigades Rouges est transmis à la presse. Aldo Moro est toujours en vie. À la formule « sans condition », les brigadistes opposent leurs revendications et demandent la libération de 13 brigadistes, dont Renato Curcio, l'un des fondateurs du mouvement qui a été arrêté en septembre 1974 et dont le procès a été ajourné à deux reprises. Le jour même, Benigno Zaccalini, le secrétaire national de l'ADC, reçoit une 5e lettre d'Aldo Moro qui se conclut par ces mots. « Je n'accepte pas la sentence injuste et ingrate émise par l'ADC. Avec moi, crie ma famille, blessée à mort, dont j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière autonome. Que l'ADC n'imagine pas avoir résolu le problème en liquidant Moro. Je serai encore là, référence irréductible pour la contestation et l'alternative. Pour empêcher que l'on fasse de l'ADC ce que l'on en fait aujourd'hui. Pour cette raison, de par une évidente incompatibilité, je demande que ne participent à mes funérailles ni les autorités de l'État, ni aucun homme de parti. Je demande à être suivi par ceux peu nombreux qui m'ont véritablement aimé et sont par conséquence dignes de m'accompagner de leurs prières et de leur amour. Aldo Moro. Aldo Moro n'a accès ni à la radio ni à la télé. La controverse au sein de la démocratie chrétienne, les positions de chaque parti, les tribunes de ses proches et amis, il les découvre dans les articles sélectionnés par ses geôliers. Dans cette lettre à Benito Zaccagnini, il refuse de baisser la garde, de lâcher les armes dans la bataille qu'il mène à distance contre son propre parti. De l'autre côté de la cloison, les brigadistes sont face à un même mur et à la même question : que faire ? Le 30 avril, Mario Moretti décide d'appeler au domicile d'Aldo Moro. Je suis un de ceux qui détiennent votre père. Nous faisons cette démarche par scrupule. Parce que votre père insiste sur le fait qu'on vous berne. Et que vous raisonnez sur une équivoque. Vous êtes mal conseillé. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais le gouvernement nous tient prisonniers. Le problème est politique. La démocratie chrétienne doit intervenir. C'est la seule voie pour arriver éventuellement à un compromis. Mario Moretti prend seul la décision de joindre la famille d'Aldo Moro. Il appelle dans une cabine téléphonique de la gare Termini. 4 camarades sont là. Ils observent les allées et venues des passants. Moretti se doute que la ligne téléphonique du domicile du président de l'ADC est sur écoute et pourtant, il prend ce risque. Mais pourquoi ? Eh bien pour éloigner un instant l'inévitable fin qui se dessine depuis des semaines. Car l'opération est dans l'impasse. L'ADC, le PCI sont opposés à toute idée de négociation, on l'a vu. Le Parti Socialiste, lui, n'est pas entendu. Pas plus que le pape, pas plus que les personnalités italiennes et étrangères. Non, le sort de l'illustre prisonnier est entre les mains de Moretti et de l'exécutif des Brigades Rouges. Alors, doivent-ils libérer Aldo Moro ou le tuer ? Seules 2 personnes du commando sont contre l'idée d'ordonner la sentence. Mais pour la majorité des brigadistes, relâcher Aldo Moro, c'est mettre fin au choix de la lutte armée. Comment l'organisation pourrait-elle se relever après cet échec ? Mais tuer Aldo Moro n'a-t-il pas la même conséquence ? Car si au début des années 70, les actions des brigadistes sont soutenues dès les premières heures de l'opération Moro, une grande partie de la gauche et du monde ouvrier condamne cette action. Le 5 mai 1978, au 51e jour de détention, les brigades transmettent un 9e communiqué. Nous concluons la bataille commencée le 16 mars en exécutant la sentence à laquelle Aldo Moro a été condamné. Le même jour, Eleonora Moro reçoit les 2 dernières lettres de son mari. La première est politique. Aldo Moro y attaque une dernière fois la démocratie chrétienne. Je voudrais que demeure clairement établie la responsabilité pleine et entière de l'ADC qui s'est comportée de manière absurde et incroyable. cette responsabilité, l'affirmer avec fermeté, comme il convient de refuser toute éventuelle médaille que l'on décerne d'habitude dans ce genre de situation. Il s'interroge aussi sur les efforts du pape. Tout est inutile quand on ne veut pas ouvrir la porte. Le pape a fait bien peu. Peut-être en aura-t-il quelques scrupules. Dans la seconde lettre, plus courte, peut-être écrite en premier pour éviter d'être pris par le temps, Aldo Moro s'adresse une dernière fois à son épouse, Eleonora. À l'instant, à l'improviste, alors que s'esquissait quelque espoir ténu, est tombé l'incompréhensible ordre d'exécution. Noretta, ma toute douce, je suis entre les mains de Dieu et les tiennes. Prie pour moi, rappelle-moi tendrement à ton souvenir. Caresse aux petits, à nos enfants chéris, tous. Que le Très-Haut vous assiste tous. Un baiser rempli d'amour à tous. Aldo. L'exécution d'Aldo Moro a lieu le 9 mai, 55 jours après son enlèvement, tôt le matin, entre 6h et 7h. Le président de la démocratie chrétienne a enlevé son survêtement, puis il a enfilé le costume qu'il portait le 16 mars, celui qu'il avait prévu pour la séance à l'Assemblée. Le jugement des procès a fait de Prosperi le geôlier d'Aldo Moro, son bourreau. Moretti affirmera plus tard que c'est lui, en fait, qui l'a exécuté. Aldo Moro est retrouvé dans le coffre d'une voiture, 11 balles dans le corps, 9 avec un silencieux, 200. La quatrelle où son corps est abandonné, garé via Mirangello Caetani, à mi-chemin entre les sièges de la démocratie chrétienne et du Parti communiste italien, terrible et puissante signature. Mario Moretti l'annonce lui-même par téléphone au professeur Tritto, un assistant d'Aldo Moro. Professeur Tritto, qui est à l'appareil? Brigade rossa. Brigade rouge. Ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Suivant les dernières volontés du président Moro. Del presidente, lei deve comunicare alla famiglia. Dites à sa famille que son corps. Il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Se trouve rue Caetani. Deuxième rue à droite, après la rue des boutiques obscures. Je dois appeler la famille. Non, allez les voir. Non posso. Non pas, Je n'y arriverai pas. Vous devez le faire. Je vous en supplie, non. Un corps recroquevillé dans le coffre d'une voiture abandonnée dans une rue de Rome, une foule haletante, désordonnée, autour de lui, Aldo Moro n'est plus. Mais comme il l'avait imaginé, son sang retombe déjà sur ses anciens amis comme sur ses assassins. Le jour de ses funérailles, comme Aldo Moro l'avait demandé, aucun homme politique n'a le droit d'être là. Alors, ils se retrouvent entre eux lors d'une messe célébrée par le pape Paul VI pour honorer la mémoire de celui qu'ils ont abandonné. Quelques années plus tard, Mario Moretti sera arrêté puis condamné comme la plupart des membres de l'opération Moro à la perpétuité ou à de longues peines. Ce 9 mai 1978, lui et ses camarades sont devenus des assassins, des criminels tuant de sang-froid un homme dans le coffre d'une voiture. Les rêves et les luttes passées ne pèsent plus grand-chose au regard du sang qu'ils ont sur les mains. Seule la fille au bouquet de fleurs n'a jamais été identifiée. Des fleurs, depuis la découverte du corps d'Aldo Moro, on en dépose chaque année sur la Via Michelangelo Caetani, certaines pour honorer la mémoire du disparu, d'autres pour soulager les consciences. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. « aujourd'hui l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro à Rome en 1978 par les Brigades Rouges. Notre invité, Moscou Lévy Bocco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes le réalisateur de ce documentaire en 2011 intitulé « Ils étaient les Brigades Rouges », un film en deux parties sur l'histoire de l'Italie des années de plomb. Ça, c'est une histoire collective. Et puis surtout celle des Brigades Rouges et de l'enlèvement d'Aldo Moro et du témoignage de quatre brigadistes. Je sais pas si c'est la thérapie par la parole, mais ils y vont quand même. Ils vous disent tout. Ils vous disent tout. Comment vous êtes arrivé à les faire parler de cette façon? Parce qu'ils parlent aussi beaucoup. Hein, Alors, c'est en allant les voir, en dormant chez l'un d'entre eux, par exemple, puisque j'ai dormi chez Prospero Gallinari. J'y suis resté plusieurs jours. En allant aussi, en prenant rendez-vous avec Mario Moretti pour faire un interview d'un mois. Mais ça n'a pas été si facile, puisque je me suis fâché avec Mario Moretti. Au bout de 15 jours, il a décidé d'arrêter. Alors, Mario Moretti, c'est le chef des Brigades Rouges, mais c'est un chef léniniste. Il est très soucieux de l'image qu'on va laisser des Brigades Rouges. C'est son combat, c'est sa vie, en quelque sorte. Mm-hmm. À l'époque, il était en prison le soir. C'est-à-dire qu'il regagnait sa cellule à 23h, et il en sortait à 6h du matin. Et donc, nous, on faisait des interviews. Il s'est arrêté au bout de 15 jours, quand on est arrivé au premier crime de sang, c'est-à-dire avant l'assassinat du procureur Coco. Et il m'a dit, si tu veux le reste, ben moi je ne le veux pas, en tout cas, j'ai l'impression que tu es en train de m'encastrer. Donc ça a été c'était très dur pour moi. Mmh. Par la suite, il m'a demandé de ne pas diffuser son intervention, et je suis passé outre. Et je lui ai écrit une lettre, et il est venu. Alors il faut que vous sachiez que ces deux documentaires sont passés sur Arte, qui ont été publiés en DVD, et il a écrit Arte pour empêcher la diffusion de son intervention. Et je lui ai répondu, tu n'es pas mon chef. En italien, on dit chef capo. Et j'ai écrit capo, je l'ai écrit avec un C, je l'ai écrit avec un K. Nous avons construit une maison ensemble, nous avons construit le premier étage, tu refuses de continuer à construire le second étage, je ne veux pas tuer un film pour ça. Tu n'as pas un droit de vie ou de mort. Donc c'est vous dire que ça ne s'est pas si bien passé. Avec les trois autres, si. Ouais. Avec lui, non. Et finalement, ça s'est assez quand même, vous avez... Non, il n'a pas fait de recours, si vous voulez. Mais pourquoi? Il voulait me faire enlever toutes les archives, les journaux télévisés. Il trouvait ça lugubre. Ben, je lui dis, d'accord, mais en France, on ne connaît pas ces journaux télévisés. Et puis on est arrivé au point crucial, quand Raphaël Fiore dit... La clandestinité des brigadistes est une chose insupportable. Certains d'entre nous... Raphaël Fiore, qui est l'un des quatre. Hein, un des quatre. Mm-hmm. Les personnages que j'ai pris sont ceux qui ont participé à l'enlèvement et à la tuerie d'escorte d'Aldo Moro. Donc Raphaël Fiore dit, on est condamné à la solitude, on ne peut dire à personne qui on est, ce qu'on a été, etc. Et il arrivait que certains d'entre nous aillent voir des prostituées pour compenser ces solitudes. Moretti m'a dit, ça tu l'enlèves absolument. Et je lui ai dit, jamais. Mais je me suis levé, je suis parti. Mais c'est dans le film, mais comment dire, c'est la partie la plus belle. C'était des hommes, c'était pas seulement, c'était pas des tueurs. Personne savait tuer. Hein. Comment dire, ils n'avaient pas fait les services militaires. Ouais. Et donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait une part d'humanité en eux. Lui, il ne voulait pas que ce message-là passe à la postérité. Alors, qui sont ces gens? Ce ne sont pas des leaders politiques, des intellectuels, ce sont parfois des gens des usines aussi. Alors, par exemple, Raphaël Fiore, c'est un fils, un orphelin de père. Il va à Milan, il travaille dans l'usine Breda, qui est une usine de sidérurgie. Par contre, un des fondateurs de Brigade Rouge, Renato Curcio, est étudiant en sociologie à l'université de Trente. Sa femme également. Franceschini, c'est un militant communiste. Moi, je vous dirais, ce sont tous, au départ, des communistes. Ce sont des jeunes comme, par exemple, Prospero Gallinari, fils de paysan lui-même, est un communiste. Je pense que la chose difficile à avaler pour eux, ça a été la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'ils voulaient en découdre, alors que le Parti communiste était déjà sur une ligne d'alliance avec la démocratie chrétienne. Il ne faut pas heurter les démocrates chrétiens. Et par exemple, ils organisaient des 1er mai où ils demandaient « Laissons de côté les drapeaux rouges ». Difficile à accepter pour des jeunes communistes. C'est possible à accepter pour des militants qui ont 50 ans, si vous voulez, qui avaient 25 ans à la fin de la guerre et qui en ont 5 ans dans les années 70. Mais eux voulaient combattre contre la guerre du Vietnam. Et le Parti communiste disait « Non, mais c'est pas le moment ». Ou alors, d'autres, par exemple à Rome, quand on disait « Allons faire une manif contre la guerre du Vietnam, laisse-nous finir notre partie de cartes ». Ils étaient en bourgeoisie. Comment dire? La génération de la résistance, c'était en bourgeoisie. Arrive une seconde génération qui veut en découdre et on ne les entend pas. Le Parti communiste n'a pas su entendre ces jeunes communistes-là. Et ces jeunes communistes qui deviennent, qui versent dans la lutte armée, quel est leur dessein finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils déclarent la guerre à l'État italien? Non. Ils déclarent la guerre à la démocratie? Ils déclarent la guerre à quoi? Non, au début... Parce que c'est quand même ce sont des actes de guerre, on est bien d'accord là-dessus. Au début, ouais. Non. Au début, ils appellent ça de la justice prolétarienne. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des contremaîtres dans les usines qui imposent leurs lois. Par exemple, c'est quand un ouvrier demande d'aller aux toilettes, on lui dit, bon d'accord, ben, on te retire 5 minutes sur ton temps de travail. Donc, ils essaient de renverser leur rapport de force à l'intérieur de l'usine. C'est ce qui est dit d'ailleurs au début du documentaire. Et donc, vous l'avez dit également, si vous voulez, ils ont pris par exemple la syndicaliste fasciste, la Maté, ils lui ont rasé la tête, ils l'ont mis... Les ouvriers sont contents. N'oubliez pas que le jour de l'enlèvement d'Aldo Moro, le journal de gauche, La République, envoie un journaliste le lendemain auprès des ouvriers de la Fiat. Mais ils avaient sablé le champagne. Si vous voulez, les ouvriers sont d'accord. Quand on tue Aldo Moro, c'est fini. Mais au départ, si vous voulez, ils veulent simplement aider la classe ouvrière à se faire respecter. Et donc, leur bastion, c'est quoi? C'est Milan et Turin au départ. Puis après, Gênes. Rome, il n'y a personne. Il n'y a pas de Romains dans cette histoire. D'ailleurs, je voudrais vous dire que pour l'enlèvement d'Aldo Moro, mais ils étaient très peu de gens. Il manque des personnes. Moretti avait prévu 10 personnes. Il a fait venir 2 personnes, l'un de Turin avec une mitraillette, l'autre de Milan avec une mitraillette, parce qu'il n'y avait pas assez de personnes à Rome. Le jour de la décision de tuer Aldo Moro, Moretti vient les voir, la colonne romaine, mais ils sont 7, 8. Ouais. Et il leur dit, le comité a décidé de tuer. Lequel de vous se porte volontaire? Tous baissent les yeux. Et Moretti dit, j'ai compris. Et c'est lui qui l'exécutera. C'est ce qu'il dit, lui, dans l'interview qu'il fait avec Rossana Rossin dans le livre que vous avez cité. Et il dit que c'est lui. Gallinari, qui est pour moi, je l'avoue, c'est devenu un très grand ami. Ouais. Il est décédé, malheureusement. Il a assumé la responsabilité de cet acte en tant que membre des Brigades Rouges. Je voudrais vous dire aussi une autre chose. Ils choisissent le terme Brigade Rouge. Ils n'ont pas dit colonne ou fraction, etc. Brigade, ça se réfère aux brigades internationales. Ça se réfère aux brigades de la résistance contre le fascisme. Ouais. Donc, cet élément antifasciste est très fort dans leur engagement. Alors, très bien. Voilà pour le fond. Mais à un moment, ils passent le Rubicon, si j'ose dire. Parce que décider d'enlever Aldo Moro, là, on passe à l'étage vraiment supérieur. On rappelle aux auditeurs qu'Aldo Moro, c'est une star de la politique. C'est pas un second couteau. C'est vraiment une star de la politique italienne, quand même. Avant ça, déjà, il tue le procureur, comme vous l'avez cité, Francesco, parce que parole non tenue. Ensuite, il commence à, en italien, dit gambizzare. Il tire dans les jambes des journalistes, de tout ce qu'il considère comme le pouvoir. Ils en tuent un. Et pas n'importe qui. Journaliste de la Stampa qui tue, c'est un homme qui avait un passé de résistance, si vous voulez. C'est un homme de gauche qui tue. Il meurt de ses blessures. Alors, où aller après? Il décide d'attaquer à Rome, de faire quelque chose à Rome. Et de s'en prendre. Il pensait prendre d'abord Giulio Andreotti. Ouais. Ils sont allés jusque dans les restaurants où mangeaient les gardes du corps d'Andreotti. Ils ont vérifié que sa voiture était malheureusement avec des vitres blindées. Enfin, je dis malheureusement, parce qu'en fait, compte, au départ, ils avaient choisi Andreotti. Et puis, un jour, celui que vous avez cité, Franco Bonizzoli, il est dans un bus, il voit Aldo Moro sortir de l'église Santa Chiara. Ils envisagent à ce moment-là de l'enlever dans l'église. Sauf que la voie de secours passe par une école maternelle, et ils se disent qu'il y aura peut-être un échange de coups de feu, et que c'est risqué. C'est là où ils cherchent. C'est pour ça que je dis que Mario Moretti... S'il avait agi pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il aurait été un très très grand chef résistant, parce qu'il savait organiser les choses. Donc, il va sur le parcours, il décide de le faire, il répète un petit peu, ils se réunissent à la campagne pour répéter, etc. Mais le jour de l'enlèvement d'Aldo Moro, les mitraillettes s'enraillent, et ça ne marche pas comme ils voudraient que ça marche, ils sont obligés de prendre leur pistolet, et je voudrais vous dire une chose, parce qu'on dit souvent, mais ça a été, il y a les services secrets qui sont derrière. Si ce jour-là, Aldo Moro avait décidé d'aller voir le dentiste ou ne prenait pas cette voie-là, il n'aurait pas pu le faire. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Parce que si vous voulez, ils avaient effectivement percé les roues du fleuriste pour éviter que le fleuriste soit dans la ligne de tir. Ils ne pouvaient pas le refaire le lendemain, si vous voulez. Ils ne pouvaient pas l'empêcher le lendemain de venir à nouveau, si vous voulez. Donc, ils décident de prendre Aldo Moro parce que Ils veulent être reconnus comme une force d'opposition. Alors, c'est forcément une aventure extrêmement dangereuse, périlleuse, et ça tourne pas comme ils l'imaginaient, parce qu'il y a pas de, à la fois la démocratie chrétienne et le parti communiste refusent toute tractation. Les socialistes de Butenokrak, si on les voit pas, ils se carapatent un peu. Ils proposent à un moment donné de libérer deux brigadistes malades. C'est-à-dire de faire un geste humanitaire. Ouais. Et s'ils l'avaient fait, peut-être que... Ouais, on les a pas entendus en tout cas. On n'a pas voulu les entendre. Ils sont intervenus à un moment donné dans la tractation. Ils ont fait cette proposition-là et n'a pas été retenue. Si vous voulez, ce qui est étrange, c'est que la démocratie chrétienne, par essence, c'est un parti de compromis. C'est un parti de négociation. C'est un parti centriste. C'est pour ça que Moreau ne reconnaît pas. Il dit, d'habitude, vous négociez toujours. Vous trouvez toujours des compromis. Et pour moi, non. Je pense qu'il y a la présence du Parti communiste qui leur dit, vous devez avoir le respect de l'État. Si on cède, nous, Parti communiste, on perdra de notre crédibilité. Et je pense qu'il y a une épreuve de force entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne. Vous voulez notre soutien? Ne cédez pas. Au-delà de la décès démocratie chrétienne, il y a quand même une force de la démocratie italienne qui est assez incroyable. Parce qu'il faut que la démocratie soit forte pour arriver à passer ces années de plomb, ces 10 ans de troubles, de chaos presque, hein. L'Italie montre que son système démocratique est fort. Et c'est ça, en fait, le but ultime du combat entre les terroristes et la démocratie, montrer que la démocratie est plus forte et que le terrorisme est une impasse. Disons que la magistrature italienne, la police italienne, a réussi à juguler la menace terroriste. Mais là où elle est grande, la démocratie italienne, c'est par sa justice. Par exemple, Mario Moretti peut travailler dans la journée. Donc, ils leur ont proposé une seconde vie. Ouais. J'en ai connu un autre qui a participé à l'enlèvement du juge Sossi. Aujourd'hui, il dirige une coopérative à Piacenza. Il fait travailler 100 personnes, 100 toxicomanes, prisonniers. C'est-à-dire qu'ils sont utiles à la société. Quand, par exemple, en France, Petrella a été arrêté, vous savez, cette jeune femme qui est allée pour prendre une nouvelle carte grise, etc. Elle travaillait comme assistante sociale auprès de... Comment dire? Ces gens sont brillants, enfin, certains sont très brillants, sont utiles à la société. Et la justice leur a proposé, si vous décidez de rompre, on vous accorde une remise de peine. Si vous décidez simplement de vous excuser, d'écrire une lettre d'excuse, vous pouvez retrouver la liberté. Raffaele Fiore a fait une lettre dans laquelle il dit « Je reconnais la douleur que j'ai causée ». Raffaele Fiore, aujourd'hui, est un homme libre. Et il ne fait de mal à personne, comment dire. Alors, l'autre question lourde et grave que pose cette affaire, c'est le lâchage d'Aldo Moro par ses compagnons de la démocratie chrétienne. Alors, du Parti communiste, oui, mais enfin, surtout ses compagnons du même parti dont il est une figure. On va écouter une archive, on va écouter le fils d'Aldo Moro, un enregistrement qui date de 1998 au micro d'Emmanuel Laurentin de France Culture. Et le fils de Moro parle de l'abandon de son père, justement par sa famille politique, et de son incompréhension face au choix du gouvernement de ne pas avoir négocié. Disons qu'il y a beaucoup de gens en Italie qui pensent que les choses ne se sont pas passées comme elles ont été racontées et que Aldo Moro a été éliminé à cause de ce qu'il était en train de faire. Giovanni Moro, fils d'Aldo Moro. Parce que c'était un danger pour de nombreux pouvoirs internes et externes à notre pays. Nous avons de l'amertume par rapport à l'État. Tous les enlèvements en Italie, politiques ou criminels, se sont toujours conclus avec une libération ou une négociation, même avec des personnages qui jouaient des rôles moins importants que celui que jouait mon père. Et ça a été le seul et l'unique cas en Italie, en 30 ou 40 ans, dans lequel on n'a pas adopté la négociation ou la libération. Je dois retenir qu'il y a une part de responsabilité de l'État et bien sûr des terroristes. Après, on se demande comment des gens comme Andreotti, Berlinguer ont pu continuer de vivre avec leur conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont lâché, Moro. Ils l'ont lâché. Ils l'ont laissé se faire tuer au nom de la défense de la démocratie face au terrorisme. J'entends bien. Voilà, c'est difficile. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est difficile. Non, c'est difficile à juger. Parce que dans ce cas-là, si vous prenez un autre domaine, celui de la mafia, le juge Falcone, le juge Borsellino, eux aussi. Tu es à Palerme. Tu es à Palerme. ont décidé de ne pas négocier avec la mafia, si vous voulez. Ils ont fait le choix de ne pas négocier. Je voudrais quand même redire ce que vous avez dit dans votre histoire. Les Brigades Rouges ne voulaient pas tuer Aldo Moro. Ah oui, j'allais y revenir. Et notamment le coup de fil de Moretti à la gare, Termini. Et ils ne demandent plus la libération des prisonniers dans ce coup de fil. Ils disent simplement que Zaccagnini, c'est-à-dire le secrétaire de la démocratie chrétienne, fasse un discours dans lequel il dit « Oui, il y a une partie adverse ». Il n'a pas pu le faire. Et c'est difficile à dire qu'ils l'ont lâché. Je ne saurais pas vous le dire. Je ne suis pas historien, je ne suis pas politicien. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je pense que, si vous voulez, Berlinguer, un parti communiste, ne négocie pas avec des gens qui sont à sa gauche. La démocratie chrétienne négocie, cherche des compromis. Mais pas là. Non, pas là. Et je regrette parce que Aldo Moro, c'était une grande et belle figure. Aldo Moro avait un programme pour sortir l'Italie de l'impasse, la dichotomie gauche-droite. Et ce que cette affaire montre aussi, c'est qu'il y a, c'est une affaire à trois, en fait. Il y a les ravisseurs, les Brigades Rouges, il y a la victime, Aldo Moro, et puis il y a cet appareil politique. Et on voit bien à un moment, et dans votre documentaire, on le sent d'ailleurs à travers les interviews, ce glissement d'une action terroriste vers une autre thématique. C'est-à-dire que les terroristes en veulent à la démocratie chrétienne. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, mais je pense que c'est l'impression juste, que finalement leur adversaire c'est devenu la démocratie chrétienne. C'est peut-être aussi le sens du coup de fil de Moretti à la gare. Mais bon sang, mais libérez-le, quoi. Et puis libérez nos prisonniers, enfin ce qu'on demande. C'est étrange d'arriver à cette situation-là. Les brigadistes disent à ce moment-là, reconnaissez notre révolte, reconnaissez notre combat. Reconnaissez qu'il y a une partie de l'autre côté et que nous la représentons. C'est pas le Parti communiste qui la représente, puisqu'il est réformiste. Nous sommes une alternative qui décide de défendre la classe ouvrière. Malheureusement, je pense que le 9 mai, ça a été l'acte qui va les séparer de la classe ouvrière à jamais. Parce que la classe ouvrière ne soutiendra pas. C'est leur chute, en fait. Je pense que leur chute vient de là. S'ils avaient libéré Aldo Moro, comme par exemple, c'est le final du film Buongiorno Notte, que par ailleurs... J'allais vous poser la question, quel est votre regard sur ce film? Écoutez, on dit aux auditeurs quand même, qui raconte le huis clos, c'est un film de cinéma. Avec un très grand acteur, Roberto Erlitzka. Écoutez, j'ai une petite... C'est un grand cinéaste, donc je ne peux pas, moi, me permettre de juger un grand cinéaste. Mais ça me gêne de voir des brigadistes considérés comme des imbéciles qui, devant la télévision, lèvent le poing et chantent à l'international. Je pense que ce n'était pas des crétins pareils. Donc, si vous voulez, il y a une volonté un peu de les décrédibiliser. Bon. Mais si les Brigades Rouges... Cela étant dit, si les Brigades Rouges avaient libéré Aldo Moro, ils auraient gagné. Ils auraient gagné en estime. Ouais. Ils auraient gagné en grandeur. Alors, on ne tue pas un homme. Alors, je vais vous dire, lorsqu'il y a eu cette réunion pour savoir on le tue, on ne le tue pas, deux personnes, Valerio Morucci, qui est celui qui téléphone pour dire le corps se trouve via Gaetani, était contre. On ne tue pas un prisonnier de guerre, dit-il. Il avait cet imaginaire militaire, l'honneur militaire, on ne tue pas un prisonnier de guerre. Et donc, il était contre. Je pense que quand ils l'ont tué, ça a été effectivement la fin. Il nous reste un peu moins d'une minute. Quelles traces ont laissé ces années de plomb en Italie? Parce qu'il faut quand même rappeler que il y avait le terrorisme des Brigades Rouges, celui des groupes d'extrême droite néofascistes, l'attentat de la gare de Bologne, 85 morts, la mafia qui s'y mettait plus ou moins, les services secrets, et puis après il y a eu l'opération main propre en 92 où les Italiens sont aperçus que leurs dirigeants historiques parfois étaient corrompus, donc crise morale. Faut s'en remettre quand même de ça. Hein. Je pense que c'est une blessure qui est toujours ouverte, si vous voulez. Dans les repas, c'est comme un peu l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Ça revient régulièrement encore aujourd'hui, si vous voulez. On parle toujours des Brigades Rouges, de ce qu'ils ont fait, de oui ou non, on a participé. Je ne pense pas que les services secrets étaient derrière. Je pense vraiment que c'est un combat autonome qui, au début, commence dans les usines et puis après, qui fait un effet boule de neige. Merci infiniment, Moscou Lévy Bocco, et j'encourage vraiment tous nos auditeurs à regarder ce documentaire qui est le vôtre, qui s'appelle « Ils étaient les Brigades Rouges ». Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui.